Révèle donc un peu les filles. Allez, on va ah si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. C'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM, rigfm.fr. Si vous écoutez via internet, je suis très très très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, la 146e. Et cette émission, on va parler de deux livres, celui de Frédéric Quilonero, Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie, et celui de Rook Le Barge, Johnny Hallyday, discographie française. Et bien sûr, au cours de cette émission, nous allons rendre hommage à Françoise Hardy avec une interview que j'ai pu avoir de Frédéric Quilonero dans l'après-midi et que j'insère dans l'émission de ce soir. Mais juste avant, j'ai des invités spéciaux, très spéciaux ce soir dans cette émission, qui sont bien connus de nos amis auditrices, auditeurs de RIG, de l'émission Johnny de A à Z. Frédéric Quilonero, qui nous présente son livre, Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie aux éditions Mareuil. Et j'ai également la joie d'accueillir pour la première fois dans cette émission, en direct live, Rook Le Barge avec sa discographie française de Johnny Hallyday, originaux, rééditions et variantes. Et ce sont les éditions Rook Le Barge. Magnifique. RLB édition. Je vous ai convié tous les deux. Il y a une raison pour que je vous convie tous les deux. C'est que donc Frédéric, son nouveau livre est là. Et puis le tien, donc Rook, est là également. Et Frédéric a écrit la préface de ton livre. Oui, merci. Merci, frère. D'où est venue donc cette idée? Sur une inspiration d'Éric. J'avais pas pensé à faire une préface, une introduction. On était dit, ben pourquoi tu ne prends pas, en fait? Ah, ben oui, tiens. Et Frédéric a accepté de suite à le faire. C'est sûr, il a hésité longuement. Hein. Non, je connais pas beaucoup, donc c'est pour ça. Ça fait que 20 ans, non? Voilà, c'était avant l'éphéméride. J'étais sur un forum de musique. On discutait et j'avais ton projet, l'éphéméride, etc. Et oui, ça va faire 20 ans qu'on se connaît. De loin, en plus. Ben oui. De loin, oui, oui. Vous êtes jamais rencontrés en vis-à-vis, en face à face? Non, mais on a fait une fois à Nîmes, aux arènes, mais on ne sait pas. Oui. On les a croisés, oui, c'est vrai. C'est dans le public, mais on ne voit pas au même endroit, et on est dans la foule, on ne sait pas. Rook, tu vas me parler un petit peu de ton livre. D'où est venue l'idée de faire cette discographie française, cette discographie presque complète, hein, c'est ce que tu vas dire, parce qu'il manque toujours quelque chose, ou il y a toujours quelque chose à rajouter dessus? Oh oui, oui, il en manque, j'en rajoute régulièrement. J'ai quelques lecteurs qui m'envoient des messages, tiens, mais j'ai cette variante-là, hein, qui n'est pas dans ton livre, ou à tel endroit, là, il y a une erreur, il y a ça. Les erreurs, ça ne t'inquiète pas, il y a toujours... Oui. Je peux le dire. Mais avec les retours que j'ai, il y en a peu, en fin de compte. Ouais. Donc, il va me signaler une, deux erreurs, voilà, quelques oublis, mais c'est vraiment très, très limité, quoi. Ouais. Et tu as créé donc une page Facebook également pour parler donc sur ton livre. Et en même temps, tu rajoutes les petits trucs que tu vas rajouter au fur et à mesure aussi, les trouvailles. On va voir après. Là, pour l'instant, on se présente un petit peu des variants. On verra ça après. Mais ce qu'on va faire en attendant, hein, on va écouter tout au long de cette émission des chansons de Johnny Hallyday, des chansons de Sylvie Vartan ainsi que des duos. On part tout de suite avec ce premier titre de Johnny Hallyday que Rook a choisi, l'autre moitié extrait d'album Flagrant Délit, et là cette fois-ci ce sera en version alternative. Bonne écoute et toutes et à tous, on se retrouve juste après ça. Vous croyez que tout le monde des avions rouges et blancs, et blancs, et qu'il y a des téléphones dans tous les appartements. Ce bouquin, je suis né avec Johnny, hein, c'est toujours ce que je dis, je suis pas né en même temps que Jean-Philippe Smet, mais je suis né en même temps que Johnny Hallyday, quand il a commencé. Hein. Je suis né, voilà. C'est un vieux, je suis né en 58, 59, Johnny a pris ce nom. Donc, pour ça que je dis, je suis né en même temps que lui. J'ai l'impression de l'avoir toujours écouté, il a toujours été là, depuis tout ce temps, depuis 66 ans. J'ai acheté des disques, ma discographie a augmenté, et puis je fais les brocantes, et puis tiens, ce disque-là, je l'ai déjà pris. Mais non, il y avait un truc bizarre sur le disque. Je regardais la pochette, et puis en rentrant à la maison, ah ben oui, effectivement, c'est pas le même. Donc au fur et à mesure des années, je notais les différences. Le même disque, mais avec une différence. Le titre était écrit en petit caractère, en gros caractère. La photo était pas dans le bon sens. Il y a un titre qui était mis en avant. Oui, tout à fait, ouais. Moi, j'ai tout ça. J'avais un gros fichier sur l'ordinateur. En informatique, ça fait longtemps que j'en fais. Puis, voilà, depuis quelques années, ce fichier, je l'avais sur mon téléphone. Sur les brocantes, dans les conventions de disques. Ben, je sortais mon téléphone pour savoir si le disque que j'avais trouvé dans la caisse, si je l'avais ou pas. Et, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit, c'est chouette, ce truc-là. Où est-ce que vous l'avez eu? Ah non, mais ça, c'est un truc, c'est personnel, etc. Et puis l'idée a flotté, mais au fait, bon, ça pourrait peut-être intéresser du monde d'avoir ça. Bien sûr. Donc j'ai recherché pour, enfin, j'ai mis tout ça un petit peu en page pour moi d'abord, et puis je cherchais des éditeurs que ça pourrait intéresser. Mais ça n'intéresse personne parce que c'est un livre qui s'adresse à un public bien particulier, les fans, mais les fans collectionneurs. À la limite, même collectionneur jusqu'au boutiste un petit peu, là, hein, ceux qui sont un peu tarés, un peu barges comme moi. Mais il faut se dire que voilà. Plus que des registres comme ceux-ci, il y en a plein qui existent déjà. Il y a des discographies qui existent. Il y a des livres de Le Sueur, par exemple, pour ne pas le citer, un mec qui présente le disque. Mais il n'y a nulle part une discographie qui présente les éditions originales, les rééditions et les variantes. Un album qui est sorti à l'origine en vinyle, il a été réédité quelques mois plus tard, quelques années plus tard, etc. Puis après, c'est sorti en CD, etc. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc, les éditeurs, ça ne les intéressait pas, parce que c'est vraiment un peu limité. L'auto-édition, c'est possible aussi, mais ça demande un investissement financier qui peut être assez conséquent. Et puis après, tu te retrouves avec le stock de livres chez toi que tu dois toi-même placer dans des librairies, expédier, etc. C'est sur Internet. La solution, c'était Amazon. C'est Amazon qui s'occupe de tout, d'imprimer et d'expédier le livre à l'allemande. Que l'on achetait les lits, les lits. Elle ne savait pas pleurer, quelque chose s'était brisé. Que tu avais fait appel pour ton précédent livre aussi à te l'autoproduire, justement, ton roman, ton dernier roman. Oui, sur une plateforme d'auto-édition, oui, BOD, qu'on demande. Ils s'occupaient de tout. La différence, je crois, par rapport à Amazon, c'est que Amazon, c'est gratuit, hein, il me semble. on paye rien. Oui. Sur BOD, on paye un imprimeur, en fait. Bon, c'est pas excessif non plus. Moi, je me suis inscrit en tant qu'éditeur. Donc, du coup, je me suis retrouvé, effectivement, à payer des sommes qu'un auteur ne paye pas. Mais, ouais, j'ai fait trois livres comme ça pour me faire plaisir. Après, le problème, c'est qu'il faut trouver un réseau. Pour Rook, c'était tout trouvé puisque c'était un livre sur Johnny. Donc, il s'adressait aux collectionneurs. Donc, il est allé direct faire sa promo chez les fans de Johnny. Donc, ça a été plus rapide, on va dire. Ça a été immédiat. C'est-à-dire, les fans de Johnny intéressés l'ont commandé, etc. Moi, c'est des romans, donc c'est des trucs plus perso. Ça a été le bouquin sur Piaf aussi. C'est vrai que ce soit Rook ou moi, depuis qu'on est fan de Johnny, ben, on a dit tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, donc on a eu le temps quand même de se faire un réseau assez important au niveau des fans de Johnny. Mm-hmm. On va dire en gros, quand toi tu fais ta propre édition, donc la libre édition, dernièrement donc tu as édité la Chemin d'enfance, ça fonctionne toutefois ? Tu arrives quand même à te faire plaisir, du moins ? Tu as de bons retours également ? De bons retours de lecteurs, effectivement, des gens qui l'ont lu, tout ça, et qui l'ont aimé. Mais de retours financiers, non. Je ne gagne pas d'argent. Et c'est vraiment pour se faire plaisir. Quoi. Voilà. Pour gagner de l'argent, il faudrait quand même en vendre... je ne sais pas, il faudrait commencer à en vendre à peu près 300. Donc, c'est compliqué. Hein, de 300, ça paraît rien. Mais c'est difficile à atteindre. Même avec un gros réseau, Rook, hein, c'est quelque chose de maintenant. Oui, non. Les 300, je n'y suis pas encore. Hein. Voilà. Espérons que cette émission relance tout ça, justement. L'idéal, il faudrait qu'il en vende au moins 500. Quoi. 500, c'est raisonnable. Quoi. C'est peut-être un bon chiffre en auto-édition. Je pense que ça peut être atteint parce que il y a beaucoup de fans de Johnny, peut-être, qui ne sont pas encore au courant. Donc, il faut pas se faire passer la com. C'est pour ça que cette émission a pour but, non seulement parce qu'au début vous avez été sollicités tous les deux, vous avez été sollicités pour la sortie de vos livres, et puis donc après on fait une petite piqûre de rappel. Ça sert à rien de faire 3-4 émissions à la suite. Il est bon de faire un rappel un peu dans le temps également de ce que vous avez pu produire. Oui, ça peut toucher un autre public. Moi, mes principaux contacts sont sur Facebook. Là, prochainement, le 8 juin, je vais faire une séance de dédicace dans la boutique de Cédric à Épernay, dans l'achat d'or de Johnny. Je vais certainement toucher des fans que je ne connais pas, enfin, qui ne me connaissent pas. Voilà. Il y en a qui viennent de loin. Et oui, le 8 juin, c'est passé. L'interview a été faite il y a à peu près 2 semaines de ça. Et on retrouve tout de suite June Hallyday et Sylvie Vartan dans D'où viens-tu Johnny, et ce titre à plein cœur. À plein cœur, moi je veux l'aimer. À plein cœur comme elle a dit, oh oui. Oh oui. Oui, rien ne pourra arrêter mon amour aujourd'hui. Je suis prêt. Cœur vers toi, mon amour, à plein cœur ou vers toi, je cours. Oh oui, oh oui, ouais, je ne sais pas le pourquoi et pourtant, mes amis, je m'élance à cœur joie dans ma folie. Oh oui. Vas-y, à toi, chante à toi. Allez. Ah oui, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, ailleurs vers notre avenir. À plein cœur, il nous faut partir. Oh oui. Oh oui. Ouais, pour mon amour, je suis prêt à me battre aujourd'hui. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Oh oui. Oh oui. À plein cœur, moi je veux l'aimer. À plein cœur, comme un année. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh là les mots. Oh oui. Oh là, arrêtez quoi. Oui. Oh oui. Alors, oui ou non? Oui, je viens tout de suite. Est-ce que toi, Frédéric, tu fais une convention sur, avec ton livre Sylvie Vartan dans une convention que je n'ai à l'idée? Non, c'est pas prévu. On me l'a pas proposé non plus. Voilà, mais bon, Sylvie Vartan, par contre, c'est chez un éditeur, donc c'est Mareuil Éditions, c'est un bon éditeur, c'est quelqu'un, je pense qu'il y a eu une bonne communication avec les fans, là, pour le coup. Là, j'ai une bonne attachée de presse aussi, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Ouais, le livre, je crois, a atteint sa cible, c'est-à-dire de toucher un maximum de fans. Alors, chez Johnny, je sais pas. Chez Johnny, j'ai pas trop de retours. Je pense quand même qu'il y a quelques fans de Johnny qui l'ont acheté, même beaucoup, sans doute. J'ai des retours de fans de Sylvie, surtout, oui. Le livre de Frédéric, là, sur Sylvie, il est disponible dans les librairies, en grande surface, etc. Le mien n'est disponible que sur Amazon. Oui, Sylvie, il y a eu un bon tirage et voilà. Une bonne visibilité partout. Hein. Je suis assez content de ça. Ouais. Sur Johnny, si je devais refaire, c'est difficile hein, de refaire quelque chose sur Johnny parce que la plupart des éditeurs aujourd'hui ne veulent que de l'inédit et ne veulent que de l'intime. C'est-à-dire, il faut avoir bossé avec Johnny, être proche de Johnny, le connaître intimement, l'avoir fréquenté, ne serait-ce que pendant quelques années, mais l'avoir approché. C'est le people qui intéresse. C'est ça, et avoir un regard bien particulier, raconter sa carrière aujourd'hui par les musiques, etc., ça n'intéresse plus personne. Donc si je devais refaire l'éphéméride, par exemple, ce que beaucoup de fans me réclament, il faudrait que je fasse comme Rook vient de faire. Le problème, c'est qu'il me le réclame, mais il faudrait qu'il suive après. Oui. Parce que c'est du travail. C'est du travail, tout ça. Là, c'est notre série slow, vous pouvez danser. Hein. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Et tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Jour comme et Françoise Hardy lors des Sunday Rock en 1984 sur le titre Tous les garçons et les filles. Nous allons marquer à présent une petite pause dans l'interview de Rook et de Frédéric Quinonero pour rendre hommage à Françoise Hardy. Frédéric Quinonero, je l'ai interviewé cet après-midi et il m'a laissé ces quelques mots sur, donc, sur Françoise Hardy et aussi quelques mots sur le livre qui va être réédité. Mon livre va être réédité avec actualisé, je l'avais corrigé parce qu'il y avait quelques petites erreurs. Donc je lui en avais fait part, je lui avais dit voilà, j'ai actualisé, j'ai corrigé certains trucs parce que comme je sais qu'elle aime elle aimait l'exactitude, elle était très très tatillonne sur certains trucs. Oui, le moindre mot avait de l'importance. Si tu transformais ses propos, si tu changeais ne serait-ce qu'un mot, elle n'était pas contente. Elle voulait vraiment que tout soit précis comme ça. Et donc je lui en avais fait part. J'avais dit que j'avais voilà. Et elle, comme elle avec sa franchise décapante, elle m'avait dit mais vous allez pas le réimprimer maintenant, attendez que je sois morte. Ouais. Donc ce livre, c'est vrai que les éditeurs avaient eu l'intention de le sortir. D'ailleurs, il était déjà les commerciaux l'avaient déjà proposé sur Amazon avec une couverture, etc. Je me souviens. Et tous les fans me disaient ah le livre ressort et tout ça. Et puis j'avais été obligé de dire non, tu vois, le livre ressort pas. Et on avait arrêté le truc effectivement. Et là, il va ressortir avec une nouvelle couverture, avec un prologue, puisque je lui rends hommage. Hein, ça a été difficile. Comme pour Johnny, hein, difficile. Exactement, comme pour Johnny. Voilà, et voilà, je lui rends un petit hommage, je raconte un petit peu nos échanges qu'on avait par mail. Oui. Et j'ai actualisé parce que sur l'ancienne version, je n'avais pas parlé du dernier album. Donc, je parle de ce dernier album. Je m'étais arrêté à l'époque, c'était L'Amour Fou. Donc après, il y a eu l'autre album derrière, Personne d'autre. Donc je parle de cet album-là et voilà. Et donc j'ai transformé des tas de choses parce qu'évidemment, quand on reprend un livre, on le relit entièrement et donc on gomme certaines choses en général. Donc ce livre part à l'imprimeur. Oui. Et donc sera très bientôt publié. Ce que je veux dire sur Françoise, c'était que c'est l'une des rares personnes, sinon la seule, sur qui j'ai écrit, avec qui j'ai échangé autant. Et j'ai échangé avec elle par mail parce que c'était quelqu'un de simple et de généreux. Elle se souciait pas de savoir si de l'importance, tu vois, médiatique que tu pouvais avoir ou de l'importance tout court même. Il suffisait qu'elle accroche avec toi, qu'il y avait un truc qui lui plaise et le contact passé, quoi. Donc, elle s'est toujours comportée comme pas du tout comme une star, en fait. Elle était hors du star system, justement. Elle n'aimait pas ça. Oui, oui, elle n'aimait pas ça. Elle ne se considérait pas, d'ailleurs, oui, comme telle. Elle se reconnaissait pas dans ces termes, star, icône. Elle se considérait même pas comme une chanteuse. elle avait une lucidité sévère envers elle, quoi. Elle connaissait ses limites et chaque fois qu'elle parlait d'elle, de sa carrière, de ça, elle mettait toujours en avant ses limites. Elle disait qu'elle était pas faite pour la scène, par exemple, parce qu'elle était limitée vocalement, parce que elle était au point de vue rythmique aussi, elle était mauvaise, quoi. Elle trouvait France Gall beaucoup plus intéressante qu'elle en tant que chanteuse parce que elle avait le sens de la rythmique qu'elle n'avait pas. C'est ça. Ouais. Voilà. Bouger sur scène et tout ça, elle n'avait pas ça, non. Ouais. Et à côté de ça, elle avait une voix aérienne incomparable, une façon de chanter tellement magnifique que elle a été la seule chanteuse française citée dans le sondage de Rolling Stone des plus grands interprètes mondiaux. Mm-hmm. C'est incroyable. Mm-hmm. C'est incroyable ça. Même ça, elle trouvait que c'était exagéré. Voilà. Elle disait, mais il n'y a pas Céline Dion, pourquoi j'y suis? C'est vrai qu'elle ne se considérait pas comme une star et puis elle était hors de tout ça. Et elle était très humble, ouais, très humble de sa personne. C'est ça. Et d'une simplicité rare, elle parlait aux gens. Mais son fils Thomas est comme ça aussi. Il a été élevé de cette façon-là. Donc c'est aussi quelqu'un de simple et il ne se prend pas pour quelqu'un d'important. Voilà, c'est ça. Les chanteurs souvent se prennent pour des gens importants. Ils ne le sont pas toujours. En tout cas, ils manquent de générosité la plupart. Et elle n'en manquait pas. Et elle va nous manquer, cette grande dame. Oh ben, les échanges avec elle vont me manquer beaucoup à moi. Ben, parce que, voilà, c'était, et son côté aussi cash, incisif. C'est pas quelqu'un qui mettait des formes dans sa façon de parler aux gens. Donc elle était directe. Oui. Elle était très directe. Elle mettait pas de formes. Et quand elle te faisait un compliment, tu pouvais te penser vraiment que le compliment était mérité, quoi. Ouais. En tout cas, qu'il était sincère. Tu vois. Et tu pouvais lui faire confiance là-dessus. Elle m'a souvent fait rire, d'ailleurs, de façon involontaire, par son côté direct, comme ça. Mm-hmm. Elle testait, voilà. C'est pour me tester comment percevait les réactions des gens. Elle voulait voir ça aussi. Non, c'était sa nature. C'était comme nature. Ça. Tu lui posais une question, elle te répondait cash. Quelquefois, ça faisait pas toujours plaisir. Quelquefois, tu te prenais une boîte. Voilà, mais on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas être franche et sincère pour le coup. Tout à fait. Et quelquefois drôle, du coup. Je lui ai envoyé, c'était pour pour un anniversaire ou pour une bonne année, parce qu'elle supportait pas qu'on lui souhaite l'anniversaire. Ni la bonne année, parce que à partir d'un certain âge, elle considérait que de toute façon, c'était pas forcément une bonne nouvelle d'avoir un an de plus, et surtout en plus dans l'état où elle était, parce qu'elle était malade depuis longtemps. Ouais. Mais en même temps, si on pensait pas à elle ce jour-là, elle était pas contente. Donc il fallait trouver un subterfuge pour lui envoyer un message le jour de son anniversaire ou le jour de 1er janvier. Mmh. Et un jour, c'était pour son anniversaire, je crois, j'avais trouvé une photo d'elle avec Jacques Dutronc en train de trinquer au champagne dans leur cuisine. La photo était pas terrible, c'était une photo de magazine, à la couleur un peu passée, etc. Mais ils étaient tous les deux en train de rire et de trinquer au champagne, donc je trouvais là quand même le clin d'œil sympa. Et je lui ai envoyé cette photo en lui disant, voilà, je pense à vous très fort en ce jour particulier. Voilà, j'avais mis des formes comme ça. J'ai surtout pas joyeux anniversaire. Mais et je lui ai dit, j'ai trouvé cette photo que je trouvais sympathique, je vous l'envoie, etc. Et elle avait répondu direct, quelle photo hideuse avec deux points d'exclamation, mais merci quand même. C'était tout à fait elle, ça. Voilà. Très attachante. Ouais. Hors du commun, ou quelqu'un qui est attachant justement par son caractère, par son ton affirmé. C'est ça. C'est ça, et puis surtout, encore une fois, c'est quelqu'un d'humain, quoi. Ouais. Quelqu'un qui se prenait pas pour quelqu'un d'important, quoi. Je crois que c'est depuis toujours, en fait, de par son éducation, peut-être, ou elle a gardé en mémoire quand même la jeune prolo qu'elle pouvait être. Ouais. Voilà. Je pense que ça, elle l'a jamais perdu de vue. Elle pense que peut-être qu'elle méritait pas ça, et bien, en fin de compte, elle se sous-estimait en quelque sorte. Je pense aussi, il y a une forme de sous-estimation de soi, peut-être de masochisme aussi, le plaisir de s'auto-flageller. Ouais. Il y avait un peu de ça chez Françoise, ouais. Mais il y avait aussi, surtout, beaucoup de lucidité. Elle n'était dupe de rien. Clairvoyante. S'il y avait une chanson que tu retiens particulièrement d'elle. Alors, je ne vais pas dire la question parce que c'est tout le monde dit cette chanson-là parce que je sais que c'était sa préférée et que je l'aime beaucoup aussi. Je vais en citer une à laquelle je pense aujourd'hui parce que on est nombreux aujourd'hui à avoir du chagrin. Mmh. C'est la chanson qui s'appelle « Tu ressembles à tous ceux qui ont eu du chagrin ». D'être sûr du bien ni du mal. danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Je veux entendre murmurer par toi, par toi. Je fonde l'espoir de la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue, point par point. Sera chiffonnée les cheveux que j'ai coiffés. J'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir où je serai la plus belle pour aller danser. Temps, la plus belle pour aller danser au Casino de Paris en 1995. Bon, sinon, Frédéric, ton livre, Les chemins de sa vie de sur Sylvie Vartan, qu'est-ce qui diffère du dernier que tu avais fait en 2008? En 2008, c'était Sylvie jour après jour. Ce qui diffère, c'est qu'en 2008, c'était une éphéméride, hein, comme celui que j'avais fait sur Johnny, et qu'on me réclamait depuis longtemps une biographie. Et là encore, ça, j'avais des difficultés à trouver un éditeur qui soit intéressé. Il a fallu que Sylvie décide d'arrêter, de faire ses adieux et pour à nouveau intéresser que des éditeurs soient intéressés, qu'un éditeur soit intéressé. Voilà. Donc j'ai saisi l'opportunité. J'ai dit c'est maintenant ou jamais. Surtout, c'était l'argument. L'argument massue, c'est maintenant ou jamais, quoi. Elle arrête. Elle va avoir 80 ans. C'était l'âge butoir, j'imagine, pour elle, pour arrêter. Et donc, j'ai Louis de Mareuil, à qui j'ai. D'abord, j'en avais parlé, je crois, à mon premier éditeur, qui n'était toujours pas très, très chaud. J'en ai parlé à Louis de Mareuil, qui lui était assez enthousiaste et j'ai été très content de travailler avec lui parce que ça s'est fait dans une espèce d'urgence comme ça, mais j'ai été très encouragé par lui. C'est vraiment quelqu'un qui est très à l'écoute et très protecteur comme ça et encourageant pour que le texte s'écrive dans de bonnes conditions. Voilà. Et j'ai écrit la chose peut-être la plus complète qui soit sur Sylvie, c'est-à-dire que bon, l'éphéméride que j'avais fait en 2008 m'a aidé, évidemment. J'avais les bases, hein, j'avais tout. Bien sûr, c'est du travail de longue haleine, on va dire. Oui, c'est ça. Mais là, il fallait qu'il y avait un lien conducteur qui était les lieux de la vie donc, de Sylvie Vartan. Ça s'y prêtait bien parce qu'on pouvait partir de la Bulgarie, jusqu'à la France, après les États-Unis, en passant par le Japon, l'Amérique du Sud, l'Italie, tous les pays qu'elle a pu sillonner seule ou avec Johnny. Présent Sylvie Vartan au Parc des Princes en 1993 avec Johnny juste en face d'elle. Elle chante a cappella Tes tendres années. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. On attend quand elle partira. Quand tu l'auras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour elle, le sais-tu, la lumière, ce n'est pas éternel. De ne voir en elle que l'espoir, au jour des regrets, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Ne peut être pour toi le premier. Oh, j'attendrai ma fin d'être dans ta vie la dernière. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs pour te faire oublier tes tendres années. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Cette version était le soir du 18 juin 1993, la première soirée au Parc des Princes. Sylvie Vartan. Merci. Bon anniversaire, Johnny. Que tu peux participer également à poser des questions à Frédéric, si tu le souhaites. À moins que le sujet Sylvie Vartan ne t'intéresse pas. J'ai suivi Sylvie dans ses débuts que... la période de Johnny, enfin. Mais Sylvie et Johnny sur la enfin, sur les concerts de Johnny, j'ai trouvé souvent que ça a été catastrophique. Le seul duo, enfin, participation de Sylvie au concert de Johnny qui m'a touché et qui a touché énormément de monde, c'est au Parc des Princes en 93. Ouais. Là, quand Sylvie est apparue, j'en avais des frissons, mais tout le Parc des Princes en avait des frissons. Il y avait une émotion incroyable. Un silence de cathédrale. Ah ouais ouais ouais. Non non, mais c'était incroyable. On était tous heureux de voir Sylvie revenir. Elle était au sommet de sa beauté. Ouais ouais. Une magie. Ah oui, elle était superbe et les duos étaient très bien et les voix s'accordaient parfaitement. C'était voilà. Dans ce de pont de Brooklyn, la décapotable qui arrivait comme ça, Sylvie assise dans cette magnifique robe rouge velours Dior, oui, Gianfranco Ferré pour Dior, oui, qui avait fait ça. La descente par l'ascenseur translucide, enfin, la totale, quoi. Et la totale, de toute façon, le concert du Parc des Princes en 93 de Johnny, c'est ces trois concerts, c'est les meilleurs concerts de Johnny, tout était parfait. cette liste des corps, les duos, les lumières, tout était parfait dans ce concert. Mais même si, contre, je crois, quand elle devait chanter en plus a cappella, des tendres années. Et même Sylvie, elle a été vachement émotionnée. Puis elle a été cueillie par ce silence et elle a d'un seul coup un trac pas possible, quoi. Elle a toujours dit heureusement, je m'avançais vers Johnny tout en chantant et par son regard, son sourire, il m'a aidé parce que elle se sentait pas bien, quoi, vraiment. Ah oui, il y avait de l'émotion pour tout le monde. Même, c'est sûr que Johnny était touché par ça. Les autres duos auxquels j'ai assisté, voilà, Johnny, Sylvie, c'était plus délicat. Ouais. C'est parti, je ne voulais pas m'arrêter. Une autoroute, je l'ai suivi, il a fallu que je me tourne. Tout d'un moment, je suis tombé. Et comme ça, je suis resté. Tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Ne crois pas, tu ressaisis, je veux seulement t'émettrer. Tu es né pour être à moi. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Érigé la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit et ce soir émission spéciale avec Frédéric Quidonero avec son livre Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie aux éditions Mareuil et avec Rook Le Barge et son ouvrage Johnny Hallyday discographie française chez Rook Le Barge édition. On les retrouve tout de suite. En 73, c'était quand même une belle tournée. La tournée était Sylvie Johnny. La tournée où il faisait Le Problème, Te tuer d'amour et Fever. Là, c'était vachement bien cette époque. C'était très bien. C'est la pipe. Hein. Et moi, j'ai connu Sylvie là, surtout. Je l'avais entendu et vu à la radio, à la télé, un an ou deux avant. Elle chantait Annabelle, Lou, ces chansons-là qu'avaient fait Tommy Brown et Mickey Jones. Et le premier texte de Mallory. Lou, c'était Mallory qui avait écrit le texte. Et sur scène, la première fois, c'était l'été 73, j'étais un gamin, moi, avec Johnny. Ouais. Et c'était à l'époque où il portait le costume en jeans tracé de Saint-Laurent. Oui. Comment prier? Exactement, mais j'étais étonné en lisant ton livre que le nombre de tournées qu'a pu faire Sylvie Vartan, on va se dire en gros, est-ce qu'elle n'a pas fait autant de tournées que Johnny Hallyday? C'est incroyable. Je pense, et puis elle a sillonné des pays que Johnny. À l'international, beaucoup plus que Johnny, oui. International, le Japon, mais le nombre de fois qu'elle est allée au Japon également, à des festivals et tout ça, mais présider des... Au Japon, c'est une vraie star. Au Japon, Johnny Hallyday, on l'appelait le mari de Sylvie Vartan. Et en Italie, pareil, hein, là, c'était la Vartane. Et elle a eu toutes les années 60, la fin des années 60, entre je pense, 66 et 69, un petit peu après les années 70, le début des 70, elle a participé à toutes les émissions de variété italiennes. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Oui, mais, Sylvie Vartan a eu une carrière internationale que n'a pas eu Johnny, même s'il a fait des concerts dans une quarantaine de pays. Voilà, c'était anecdotique. Ouais. On est en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Mais... Est-ce que Johnny aurait pu être jaloux de Sylvie par rapport à sa carrière internationale, que lui n'a jamais eu en fait de compte? Oui, il l'a été. Il l'a été, Jean Renard en a témoigné. Il a dit qu'il fallait absolument que Johnny soit numéro un et qu'en aucun cas, il devait être dépassé par qui que ce soit, y compris par sa femme. Ah oui, non, il était. Oui, mais c'était ce qui les motivait tous les deux. C'est qu'il y avait cette effervescence, là, cette compétition, entre guillemets, ça les boostait tous les deux. Mais même pour Sylvie, c'était important quand elle a quitté Johnny et qu'elle s'est retrouvée ensuite avec Tony Scotti, avec tout le respect que je dois à Tony Scotti. Il y avait plus cette effervescence-là et elle s'est laissée un petit peu endormir dans une vie un peu bourgeoise, et sa carrière a changé. Oui, tout à fait. La séparation après avec Johnny, oui, elle s'est calmée. Ça s'est arrêté, en gros, quand David a commencé, lui aussi, à voler de ses propres ailes, en quelque sorte. C'est ça, et ensuite, il y a eu une période où elle est revenue à des choses un petit peu plus intimistes, à des shows un peu moins dansées, etc. C'est quand elle a fait son retour en Bulgarie, et on a découvert une autre Sylvie, beaucoup plus profonde, beaucoup plus émouvante. Et donc, après, elle a orienté sa carrière comme ça, moins rock'n'roll. Et moins disco aussi, parce qu'il y a eu cette période des shows à l'américaine, au Palais des Congrès, puis au Palais des Sports, où il y avait des ballets dansés sur des fait ses versions de Tears Enough Is Enough de Dresden et Donna Summer ou It's Raining Men, voilà, des choses comme ça. Elle a pas tellement enregistré de disco en studio, hein, comme l'a fait Sheila par exemple, mais sur scène ça s'y prêtait, quoi. Elle a fait des spectacles très visuels bien avant Mylène Farmer, mais c'était l'intérêt de Sylvie sur scène, c'était ça aussi, c'est qu'on en prenait plein les yeux. C'est fatal, animal, la guerre entre nous. Mais le premier qui fera du mal deviendra presque fou. C'est fatal, animal. C'est fatal, animal, comme le corps au cou. Mais le premier de nous qui repart retombera à genoux. C'est fatal, animal. Je t'ai suivi. fatal, animal, d'être encore debout. Mais celui qui ouvrira le bas souffrira de partout. C'est fatal, animal, de s'aimer surtout. Mais le dire serait un vrai scandale, le faire un tabou, c'est fatal. Mais le premier qui fera du mal deviendra presque fou. C'est fatal, animal, comme la garde au cou. Mais le premier de nous qui en parle retombera à genoux. C'est fatal, animal, l'amour entre nous. Mais celui reprises aussi de Sylvie Vartan sur scène. Bon, dans les albums, on en retrouve évidemment, mais elle fait beaucoup de reprises sur scène, donc de standards anglo-saxons. C'est ça. Oui. On ne va pas lui reprocher d'avoir fait des reprises. Johnny. Ben, Johnny, Elvis. Vrai. Attends, Elvis, elle en a fait des tonnes aussi, des reprises aussi. Sur plus de 1000 chansons. Ben, Johnny est l'auteur, compositeur, 150 titres à peu près, ce qui est quand même pas mal. Hein. On va pas loin de 15% de ce que Johnny a chanté, c'est lui qui l'a écrit. Il a écrit pour d'autres artistes aussi, donc on peut pas reprocher à Sylvie d'avoir fait des reprises. Et c'est l'époque qui voulait ça, hein. Les yéyés, c'était oui. Des reprises de standards américains, puis après ça a été des reprises de avec le Swinging London, des reprises de chansons anglo-saxonnes de d'Angleterre, donc avec les Beatles, les Stones, et la soul après aussi, quand Johnny reprend... Otis Redding ou des gens comme ça. Ça a duré jusqu'aux années 80 quand même. Reprenez les choses françaises ou américaines. En tout cas, c'était très émouvant, en tout cas, le spectacle qu'elle a pu faire, surtout le premier, où elle rend hommage à Johnny pendant 20 minutes, au moins à la fin du spectacle, où David au Grand Rex était venu reprendre avec elle 100%, justement. C'était normal qu'elle le fasse, et puis je pense qu'elle était... Légitime. Très légitime. Oui, tout à fait. Oui. La plus légitime. C'était la plus légitime. Ouais. Bien sûr. C'est 20 ans de, quasiment 20 ans, 18 ans de vie commune et au meilleur de leur gloire, de leur jeunesse, de leur beauté. Ils ont marqué les esprits pour toujours, tout à fait, oui. De plusieurs générations. Ceux qui ne l'ont pas connu, effectivement, ceux qui ont connu Johnny avec Laetitia, pour eux, c'est la vieille et d'autres dents d'oiseau que j'ai pu entendre. Quand on a connu Sylvie jeune avec Johnny jeune, c'était le couple mythique. Ouais. Couple mythique, avec toutes les émissions de Gilbert Carpentier, oui. Aussi, ce qu'on voyait, c'était fabuleux. Et avant eux, le show Averti. Oui, le show de Johnny Sylvie Averti. Là, c'était magnifique. Ouais. Déjà, pour l'époque, c'était très avant-gardiste. Hein. Il y a de superbes clips qui restent encore aujourd'hui, qui se regardent en noir et blanc, qui sont pas démodés du tout, dans les effets spéciaux, dans tout. Ils étaient beaux, là. Jeunes, beaux, tout ce qu'il fallait, quoi. De quoi faire rêver la jeunesse française. Le mariage à l'eau convive, je veux dire, dans ce petit village de je sais pas, 700 habitants ou même moins, ça les a marqués, ils n'ont pas oublié. De toute façon, Leconville est bien connu pour le mariage de Johnny et Sylvie. Oui, même si le manoir est vendu et que voilà. Et puis, c'est là où se trouve le tombeau des Vartan. C'est pas ses parents, hein. Même Eddy. Même Eddy, Eddy Vartan aussi, oui. Hey, j'ai appris des choses, moi, là-dessus. J'en ai apprises. En 1970 avec Lou. Et qui a écrit Lou? Vous allez le savoir tout de suite. Eddy Vartan aussi a été hyper important, mais évidemment dans la carrière de sa sœur, puisque c'est quand même... Pour Johnny aussi, oui, oui. Elle est devenue chanteuse, mais pour Johnny. Tout à fait. Elle a apporté à Johnny Hallyday quand même des choses, non seulement Eddy Vartan, qui a été réalisateur de pas mal de ses disques et qui lui trouvait ses musiciens aussi, Mickey Jones, Tommy Brown, qui avait été recruté par Eddy Vartan pour sa sœur, sont devenus les musiciens peut-être les plus emblématiques de Johnny Hallyday, grâce à qui il a fait ses meilleures années musicales. Et ce comme avec le bandeau qui est l'excellence. Johnny a connu Eddy Vartan avant de connaître Sylvie. C'est ça. Eh oui. C'est ça. Et on peut dire un peu que ces découvertes là aussi qu'a fait Sylvie, aussi bien avec Fanny que Eddy a fait pour sa sœur Sylvie, Mickey et Tommy Brown et Michel Mallory qui ont travaillé avec Sylvie avant de travailler avec Johnny. C'est ça. Mallory est arrivé, a été découvert par c'est Suzy Hallyday en fait. Suzy Hallyday, c'est la deuxième femme de Lee, qui était éditrice. Et donc, Vartan voulait absolument un nouvel auteur pour traduire deux chansons, Wolf, donc, et l'autre, c'était quoi, je ne sais plus. Wolf, c'est devenu Lou. Et elle voulait quelqu'un de nouveau qui puisse traduire cette chanson. Apparemment, c'est un petit peu le même problème que Johnny avec Sauvez-moi. C'est-à-dire que personne n'a été capable de lui faire une traduction satisfaisante. Elle voulait vraiment quelque chose d'accrocheur et tout. Et c'est vrai que Lou, la chanson en français, Mallory lui a fait un texte assez, pas érotique, mais enfin, c'est la petite fille qui est le loup. Enfin, bon, c'est une reversion, une nouvelle version un peu haute du petit chaperon rouge, quoi. La petite fille qui n'a pas peur du loup. Vous écoutez Johnny 2 à Z, ici sur RIG, la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit, avec en invité Frédéric Quilonero et Rocco Lebarge pour leurs livres respectifs. Je vous dirai ça tout à l'heure, voici Johnny. J'ai rêvé la nuit dernière que je me baladais dans les champs. Le ciel était couleur argent. Je crois qu'il y avait une rivière. Je suis entré dans une forêt. C'était joli, les peupliers. Quelque part, une feuille est tombée. Et Samy m'a secoué parce que je ronflais. Calva, dans un certain Et tiens, en parlant de loup et tout ça, parce que cette pochette-là, cette couverture de livre, on aurait pu penser que tu aurais choisi une autre couverture. Tu sais, moi, je pense à la Sylvie Vartan, tu sais, quand on retourne dans le show de Olympia 1975 avec la robe déchirée, enfin, tu sais, en lambeau, un peu lambeau doré et compagnie. Et après, quand tu lis le livre, tu te dis qu'en fait de compte, c'est cette image-là qui la représente le mieux, en fait de compte. Je trouve que c'est une image intemporelle, je trouve qu'elle est belle là-dessus. Je savais aussi que la robe qu'elle porte, c'était une de ses robes préférées, et je voulais la montrer sous son meilleur jour et qu'elle soit contente aussi, que je ne choisisse pas une photo qui lui déplaise. Et les photos des années Palais des Congrès avec les robes déchirées par les pattes d'ours, là, on les a peut-être un petit peu trop vues. Aussi, oui, tout à fait, ouais. Là, c'est la Sylvie un peu intemporelle, romantique aussi. Parce qu'elle est tout ça. C'est une photo du début des années 80, ça. Elle est vraiment au summum de sa beauté. Et toi, Rook, alors, parle-nous un peu de cette photo de couverture de ton livre. Cette photo. Au départ, moi, j'avais prévu une photo de Johnny, une photo personnelle que j'ai prise moi pendant les concerts, etc. Et puis en discutant avec Fred, et qu'il y avait un souci de droit à l'image. Je suis propriétaire de cette photo que j'ai prise à Montpellier, 14 mai 2012. Mais, mon consort, déjà, les appareils photos sont interdits, hein, c'est marqué sur l'étiquette. Tout le monde prend des photos pour éviter un souci droit à l'image. Hein. C'est considéré comme des images volées. Et à partir du moment où c'est pas validé par l'artiste ou par les ayants droit. Les ayants droit, ouais. Et donc, j'ennuie, c'est jamais, surtout quand, on n'a pas d'éditeur et qu'on est seul à devoir gérer si jamais on nous attaque en justice, etc. Ah ben, j'ai pas l'avocat de mon éditeur qui pourrait s'occuper de ça. Donc j'ai rusé, j'ai utilisé cette photo et j'ai fait une mosaïque avec des pochettes de disques de Johnny. La photo de couverture, c'est les pochettes de 45 tours. Ben c'est ça, et ça reflète bien justement, voilà. On parle de la discographie, donc on retrouve les disques sur les disques. Les disques qui sont dans ce bouquin. Ça répond à la thématique. Donc, dans le bouquin, on trouve des disques, et c'est des disques de Johnny. Il y a les deux sur la couverture, et Johnny, et les pochettes de disques. Ouais. Non, t'as bien travaillé comme d'habitude, hein, avec des petits montages, tu travailles bien. Hein. L'intégralité du bouquin, je m'en suis chargé. J'ai fait la couverture, toute la mise en page du bouquin, l'intégration des pochettes, etc. Enfin, je suis en train de bosser là sur une éventuelle future version du livre où je vais intégrer les labels, enfin, maximum de labels. Enfin, c'est pas pour tout de suite, et puis je sais pas si je sortirai une réédition. Mais toute la mise en page, j'ai eu un boulot énorme pour faire tout ça, pour la couverture, je me suis bien amusé aussi. Voilà, de A à Z, je me suis occupé de tout, tout seul. Qu'en passant par un éditeur, il y a un graphiste qui se serait occupé de la couverture, de la mise en page, etc. Mon Johnny de A à Z, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, on parle encore en relation avec l'émission, voilà, de A à Z, tout de A à Z. Ouais. Je l'ai dit à présent, 1973, extrait de l'album Insolitude, voici Le Droit de Vivre. Une étoile vaut bien une croix. le ciel de ton sourire. Tu as tout ce que je n'ai jamais eu. Alors pense à tous ces enfants perdus. Dis-moi, et dans ce livre-là, est-ce que tu as tout ce que tu as décrit ? Non, non, non. T'en possèdes combien à peu près ? Tout ce qui est dans le livre, je sais que ça existe. J'ai beaucoup, mais je n'ai sûrement pas la plus grosse collection. Enfin, j'ai la plus grosse collection du village. Hein. J'ai beaucoup de variantes. C'est pour ça que, bon, au fur et à mesure des années, j'ai noté les variantes, etc. Mais j'ai eu connaissance d'autres variantes que je ne possède pas, même certains disques que je ne possède pas. Des promos, j'en ai, mais je les ai pas tous. Puis, ce qui est dans mon livre, ça existe. Je suis certain que ça existe. Est-ce qu'il y a une pièce particulière que tu cherches encore dans ce, par exemple, dans ce livre-là, où, parce qu'on parle d'historiographie française, mais est-ce qu'il y a une pièce qui t'intéresse particulièrement, ou peut-être deux, trois pièces que tu recherches activement encore? Non, mais il y en a des dizaines que je cherche, mais la principale qualité d'un collectionneur, c'est la patience. Parce que je ne souhaite pas mettre une fortune dans des disques. Une belle pièce que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, c'est le 45 tours Big Chef. Une pochette où on a Johnny qui est en photo, il y a un disque vinyle qui est à l'intérieur où Johnny ne chante pas. Ce disque était offert quand on achetait un jean, le jean Johnny Hallyday de la marque Big Chef. Ce disque, tu le vois parfois en vente, complet, il y a une petite cordelette qui permettait de l'approcher au jean, etc. 62, ça, Big Chef. 64, voilà. Donc, ben, ce disque, il y a longtemps que je le cherche, en bon état, etc. Et bon, il y a peu de temps, il y a 2 mois, je crois, chose comme ça, en fouillant sur une brocante, je trouve des 45 tours, mais des 45 tours qui étaient pourris, différents artistes. Il n'y a même pas de Sylvie Vartan. Et je tombe sur ce disque-là. Et je demande au vendeur, vous faites combien les disques? Alors, c'était 2 euros. Ben, je dis, et les petits, 45 tours, ben, 1 euro. Donc, j'ai mis le disque dans ma sacoche, j'ai donné 1 euro au gars, et j'ai été le plus heureux du monde. Un disque pas facile à trouver, je l'ai payé 1 euro. Il faut beaucoup de patience. Il y a des pièces que je n'ai pas, que je vois passer parfois sur eBay, sur Le Bon Coin ou autre, mais trop cher, trop cher. Je ne peux pas mettre une fortune dans ma collection pour Johnny. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées sur des brocantes. Parfois, le disque est en très bel état, mais un peu plus tard, je retrouve un autre qui est en meilleur état. Et puis quand on rentre à la maison, ah ben non, c'est pas le même. C'est une variante. Voilà. Donc je garde celui qui n'est pas terrible, mais celui qui est en meilleur état, je garde les deux. Et si c'est un que je possédais déjà, je garde le plus beau. Voilà. Des pièces, j'en cherche toujours, hein, il m'en manque. Voilà. Pour 545 tours français, Johnny. Mais bon, il m'en manque encore, je sais pas, 300, 400 peut-être. Ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Johnny, il y a toujours à trouver. Et puis, personne ne connaît tout. Il faut beaucoup d'argent. Dans mon livre, je précise bien que... Un peu de patience, gentil lui. Oui, oui. Bah, la patience et la passion. Beaucoup d'amour, un peu de patience. Chaque week-end, je vais sur les brocantes. Je pars de bonne heure. Je fais 1, 2, 3 brocantes. Puis en général, à 9h du matin, je suis rentré à la maison. J'ai fait le tour. Je vais sur les conventions de disques aussi, parfois, ou les salons de collectionneurs, multi-collections, et on arrive à trouver des choses aussi. J'ai trouvé un Sonorama numéro 20 en très bel état, pareil, pour 1 euro. Et des fois, tu tombes sur des pièces que tu ne soupçonnais pas, ou du moins que tu ne pensais plus, et puis tu tombes dessus, ouais. Tu dis, oh, Et l'avantage de ton livre, justement, c'est de pouvoir de suite checker, savoir si tu as cette pièce ou quoi, et vérifier. Avec ce livre, tu peux noter devant chaque disque, chaque variante, si tu le possèdes ou pas. Et puis, j'ai fait ce livre pour faire profiter d'autres du fichier que j'avais. Le format, j'ai choisi un petit format pour qu'il soit transportable facilement. Donc, celui qui va sur des conventions de disques ou sur les brocantes, il peut emmener ce bouquin dans son sac, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai fait un prix raisonnable. Enfin, il a moins de 40 euros pour 555 pages. Et le bouquin, je l'ai fait pour que ça profite aux fans. Il n'y a pas de petits fans, il n'y a pas de grands fans, pas de petits collectionneurs, ni grands collectionneurs. Chacun fait selon ses envies, ses moyens, sa passion. Il y en a qui ne collectionnent pas. Ah oui, oui, oui. Qui sont fans, mais qui ne collectionnent pas. Moi, j'en fais partie. Je n'ai jamais cherché. Non, l'important pour moi, ça a toujours été d'avoir toutes les chansons. Par contre, oui. Après ça, je m'en fous un peu. Après, je ne sais pas où les mettre, quoi. Au bout d'un moment, tu... Et puis, quand tu avances dans l'âge, tu te dis à qui je vais laisser ça, quoi. On retrouve Sylvie Vartan en live avec le titre dédié à Johnny, par amour, pas par pitié. C'était lors de son Olympia en 1972. Après à ton bouquin, Frédéric, enfin, pour moi, ça, c'est l'impression. On a l'impression que Sylvie Vartan se révèle réellement en 1968. C'est ça. Elle se révèle avant, quand même. Hein. C'est son premier Olympia en 68, il me semble, non ? Son premier Olympia en vedette. Avant, elle a toujours fait la première partie de quelqu'un, et notamment de Johnny en 67. En 67, déjà, on avait une petite idée de ce vers quoi elle allait en première partie de Johnny. Mais elle était qu'en première partie, elle faisait 7 ou 8 titres, quoi. Mais déjà, on sentait qu'elle avait... déjà, il y avait des chansons de la Tamla Motown, il y avait son goût pour la danse, etc. Mais 68, en fait, elle commence à faire des chansons un petit peu comédie musicale. C'est Jean-Jacques Debout qui lui fait Comme un garçon, en 67, On a tout besoin d'un homme. Enfin, ces chansons-là qui sont dans l'esprit comédie musicale. Elle adapte aussi, elle fait adapter des chansons de la Tamla Motown, donc Donne-moi ton amour, quoi d'autre, Moi je danse, etc. Et surtout Jean Renard arrive. Et Jean Renard lui amène déjà, involontairement d'ailleurs, parce qu'il a écrit Par amour, par pitié, et il voulait la donner à Johnny Hallyday. Sauf que Sylvie et Johnny n'étaient pas là. C'était une période où Johnny Sylvie était en business, quoi. Comme c'est arrivé plusieurs fois. Donc Sylvie voulait divorcer. Enfin bref, c'était le fameux retour de Londres en 66, avant Noir c'est Noir, où Johnny tente de se suicider. Donc elle rencontre Jean Renard à cette période-là. Et il amène Par amour, par pitié. C'était une chanson qui existait déjà. Jean Renard l'a chanté lui, parce qu'il il chantait dans un orchestre de bal. Jean Renard, il chantait cette chanson-là, mais de façon complètement confidentielle pour des gens qui venaient danser au bal. Et il voulait vraiment la destiner à Johnny, parce qu'il trouvait qu'il y avait la charge émotionnelle et le crescendo comme ça qui pouvait aller très bien à Johnny. Et c'est curieux d'ailleurs qu'il n'ait jamais chanté Johnny, même pas en duo avec Sylvie, parce que je pense qu'il aurait porté la chanson très haut. David l'a fait, mais c'est pas Johnny. Jean Renard porte Par amour, par pitié. Sylvie la pique à Johnny, pour ainsi dire, puisqu'il vient la faire écouter à Johnny, qui devait logiquement venir chercher Sylvie au studio, vu comme ils étaient fâchés. Sylvie est seule, donc Sylvie lui demande de faire écouter la chanson. Et quand elle entend la chanson, elle comprend tout de suite quand même l'impact que peut avoir ce titre. Et elle dit, c'est pas pour Johnny, c'est pour moi. Et Jean Renard a dit, non, moi je veux la donner à Johnny Hallyday. Il n'est pas question que je la donne à quelqu'un d'autre. Ça, réfléchissez bien, papa, au revoir. Le lendemain, elle le rappelle, parce que Sylvie, elle ne perd pas le nord. Elle dit à Jean Renard, voilà, je pense que vous n'avez pas tout à fait compris ce que je vous proposais hier. Vous savez que je vends à peu près entre 200 et 300 000 disques 45 tours à chaque fois, déjà. Et ensuite, si vous me donnez la chanson, je vous engage comme directeur artistique. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me conseille, qui vienne en studio. Mon frère n'est pas toujours là, enfin bref. Mais je veux quelqu'un qui ait en plus un regard vraiment extérieur, qui ne soit pas de la famille, quoi. Et un professionnel qui dise, là tu chantes bien, là tu chantes mal, là l'accent est bon, là l'accent n'est pas bon, il faut refaire. Voilà, qu'on n'y passe pas trois heures et que ce soit cadré. Et donc Jean Renard, là quand même, il s'est dit, il y a peut-être quelque chose à... Peut-être la porte s'ouvre de ce côté-là, il ne faut peut-être pas la fermer. Et donc il a été directeur artistique de Sylvie Vartan, à partir de 66-67 jusqu'à 74. Donc, les grandes années aussi quand même de Sylvie, où elle a effectivement pris son élan sur scène en 68. C'est sa première à l'Olympia. Et Jean Renard dit, voilà, il va falloir, ok, tu danses, tu fais la comédie musicale, super, mais il te faut une chanson emblématique, un petit peu comme Brel a eu Amsterdam à l'Olympia, une chanson comme ça qui t'appartienne à toi et qui booste ta carrière et qui en même temps soit le must, le truc de ton Olympia, quoi. Elle a pris son élan parce que Renard tenait les rênes. Alors Alors, tu sais quel titre c'est ? De quel titre on parle, là ? Comme, non, j'ai pas fait attention. J'avais ma connerie en tête. C'est la Maritza. La Maritza, oui. Oui. Et donc, c'est la Maritza qui est la chanson de Spolampia 68. Nous ne sommes pas à l'Olympia 1968, nous sommes à Sofia. En 1990, Sylvie retourne dans son pays d'origine. Посланието на кураж и свобода, което символизира, проникна в сърцата на много хора. Аз от все сърце желая, че днешната младеж и бъдещето ти поколение тук в България обознаят и съдържат това щастие на демокрацията и на мира. Не можете да знаете колко е трогателно за мен да се върна тук и да изпея тази песен за вас. Comme la Seine et la tienne, les lumières de mon père, maintenant qui s'en souviennent. Quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit. Thank you. RIG, la radio de Junaïd, dès le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Et là ce soir, émission spéciale avec deux auteurs. Frédéric Quilonero avec son livre Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie aux éditions Mareuil. Et Rook Lebarge avec son ouvrage Junaïd, discographie française chez Rook Lebarge Édition. À l'instant, Sylvie Vartan et Amaritza à Sofia, en Bulgarie, son pays natal. Et donc, elle a toujours su, après, jongler entre... Madame Maritza, quand elle la chantait dans son pays d'origine, énormément d'émotions de Sylvie et du public. Mais c'est une chanson que personne d'autre peut chanter, qui lui appartient. Oui. Sa vie, c'est son histoire. Quand Jean Renard file la musique à Pierre Delanoë, il lui dit, voilà, tu écris pour Sylvie Vartan quelque chose qui lui appartienne, qui lui ressemble. Ouais. Et donc, Delanoë est allé voir un petit peu l'histoire de Sylvie. Il a vu qu'en Bulgarie, il y avait un fleuve qui s'appelait... parce que les autres noms de fleuves, ça ne collait pas. Mais Maritza, il a vu qu'il y avait un fleuve qui s'appelait Maritza. Le nom lui a plu. Il trouvait ça musical, trouvait ça joli. Et il a fait une chanson qui raconte sa vie. C'est une chanson qu'il n'a jamais quittée, quoi. Et a toujours eu des chansons visuelles, de danse, etc., chez Sylvie, dans ses spectacles, et des chansons intemporelles, voilà. Exactement. Voilà. Par amour, par pitié, la Maritza. On peut dire que Par amour, par pitié, c'est un titre qu'il a suivi jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle a toujours repris, pratiquement tout le temps repris, cette chanson aussi, dans ses concerts. Il y a trois chansons qui l'ont jamais quittée, c'est Par amour, par pitié, la Maritza, et Mon père. Malory, c'est pareil. Quand, à un moment donné, elle lui a dit, voilà, il faut que tu m'écrives une chanson après la mort de son père. Elle voulait une chanson en hommage à son père. Il a écrit Mon père. C'est une chanson touchante, quoi. Là aussi, quand elle la chante à Sofia pour son retour en Bulgarie, c'est assez émouvant. Elle a plein de chansons comme ça qui sont très... Et puis après, des chansons qui racontent sa vie, hein, avec Johnny. C'est fatal, on s'est tant aimé. Il y en a un paquet quand même. Hein, mais déjà à l'époque, ils se répondaient beaucoup en chansons aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Johnny, beaucoup de chansons qui racontaient sa vie également. Je t'aime, elle chantait Aime-moi, non je ne suis plus la même, c'était pour régler les comptes aussi au moment où ils allaient se séparer après Nanette Workman. Il y a eu plein de chansons comme ça, Je t'ai aimé quand elle le quitte, enfin bon, c'est pas facile de vivre sans toi. Enfin, il y a eu toute une série de chansons sur Vartan au moment du divorce quand même. Hein, les deux années. Ouais, 2 minutes 35 de bonheur. Les deux albums, Deux étrangers, c'est pas facile, c'est quand même des albums bien chargés. Ah oui, à partir de maintenant également aussi. Oui, ça a duré sur trois albums. Ouais. Ah oui, avec Johnny, c'était pas seulement 2 minutes 35 de bonheur. Non, non, non. Ça a été un peu plus. 2 minutes 35 de bonheur, c'est une chanson qu'elle devait faire avec Johnny Hallyday. Voilà. Et puis, elle a enregistré, Johnny n'était pas dispo. Il y avait Carlos qui était toujours là. Puisque c'était le secrétaire que lui avait trouvé Johnny, d'ailleurs. C'était un pote de Johnny au départ, Carlos. Il l'a connu à Jean-Lépin en 60. Oui, c'est vrai. Il était homme à tout faire, Carlos. C'était l'amuseur public. Il touchait à tout. Et en même temps, c'est un fan de jazz. Et il fréquentait tous les lieux de Saint-Germain et tout ça. Et il a bien connu aussi Eddie Vartan. Donc... quand Sylvie a fait une tournée avec Claude François en 63, ça sentait pas bon, quoi. Le Claude François qui était jaloux de tout, qui collait ses affiches par-dessus celles de Sylvie, qui avait imposé sa sono et qui avait emporté la sono au canet et qui avait laissé Sylvie avec des machins ou des trucs où on appelle des vachettes, enfin un truc pas conçu pour un spectacle de musical, quoi. Et qu'elle est obligée de partir en catastrophe, elle s'est sifflée, ça a fait scandale. Enfin bon, là, il n'a pas été particulièrement cool, le coup. Mais donc, quand il y a eu cette tournée-là, par jalousie, en plus, Johnny, parce qu'il ne supportait pas de savoir Sylvie partie avec ce type qui aimait bien quand même les petites blondes et tout ça, donc il avait envoyé Carlos. Et l'histoire avec Sylvie a commencé là, ils ont fait le tour du monde ensemble, et ils sont partis au Japon, partout. Et donc, quand il s'est agi d'enregistrer 2 minutes 35 de bonheur, que Jean Renard avait fait, voilà. Et Carlos étant présent, elle l'a fait avec Carlos, ça allait plus vite, et ça a lancé de chanteur de Carlos. Exactement. Justement, comme tu disais dans le contenu du livre, c'est leurs origines slaves qui a rapproché également Sylvie et Carlos. Oui, parce que et puis Carlos était après, du coup, était ami avec de la famille et effectivement. Mais les slaves, c'est vrai, se reconnaissent et se retrouvent entre eux, quoi. C'est une espèce de diaspora comme ça. Vous vous attendiez à écouter 2 minutes 35 de bonheur. Non, on va écouter les hommes qui n'ont plus rien à perdre. Johnny et Sylvie. Tu vois cette affiche sur le mur de ma chambre. C'était un homme. Un de ces hommes qui n'avait plus rien à perdre. Ils avaient cru semer. Il dort maintenant sous quelques pierres de son pays. Mais je sais que son nom et son visage sont connus de tous les hommes. Pour ceux qui n'iront jamais. Il faut dire en plus à propos de Sylvie et Johnny, quand Johnny rencontre Sylvie, il rencontre aussi une famille, les Vartan, dont il y a Eddie, on a parlé d'Eddie, mais les parents de Sylvie qui accueillent Johnny, mais surtout, surtout la mère qui est assez expansive, la mère de Sylvie, que David a surnommé Néné. Elle l'adorait, elle avait une admiration et un amour pour Johnny incroyable. Et elle a sauvé le couple du divorce plus d'une fois. parce que Sylvie, avec son caractère un peu parfois impulsif, elle a eu mille raisons de le quitter, Johnny. Donc, elle est restée jusqu'au dernier moment. En fait, le dernier moment, c'était un pari entre eux, quoi. Je sais plus, une provocation que Johnny lui avait faite. Voilà, mais en même temps, je crois que Sylvie avait atteint un âge où on a envie de se poser, quoi, et d'avoir une vraie vie familiale, un peu bourgeoise, puisque c'est ce qu'elle recherchait, et Johnny pas du tout. Johnny n'a jamais. C'est venu plus tard pour Johnny. Oui, c'est venu plus tard. Je ne sais même pas si c'est venu. Je crois que en fait, Johnny a vieilli. Il a vieilli. Oui. Et à un moment donné, y a des choses qu'on peut plus faire et on. Je pense pas que foncièrement. Oui, non, il s'est jamais posé. Cette histoire de phobie de l'abandon, du manque de famille, et tout ça, avec Sylvie Vartan, quand même, Laetitia est plus gentille, mais avant elle, il y en a eu d'autres. Elle lui a apporté ça, bien sûr. Il y a toute une famille, elle a porté toute une famille avec elle. Son frère, déjà, aussi. Il y a vraiment toute une stabilité, on va dire. Il lui offrait toute une stabilité que Johnny, retrouver quand il le voulait, quoi. Oui, sauf qu'il était jeune, très jeune à l'époque, et qu'il n'avait pas encore il n'a jamais eu, je pense, la volonté de s'installer. Non, c'était un rocker, c'était quelqu'un qui était assez un rebelle, et c'est surtout quelqu'un qui ne vivait, qui n'existait que sur scène, par la scène. En dehors de la scène, il était. J'allais dire il était rien, mais c'est pas qu'il était rien, mais il était pas dans son élément. C'est comme on sort un poisson de l'eau, quoi. Son élément, c'était la scène, et il a jusqu'au bout, à la fin. Non, mais je l'ai vu dans les dernières années. Elle était sur une émission, l'enregistrement d'une émission télé, et on est allé à l'extérieur et on a vu arriver Johnny. Mais on a vu arriver un vieux avec le dos courbé, il était pâle, le dos courbé, etc. Des difficultés, il y avait 4-5 marches à monter, un peu de mal, etc. Et après, ils nous ont fait rentrer. Et pour l'émission, quand je l'ai arrivé pour l'émission, c'était Johnny Hallyday. On avait arrivé Jean-Philippe Smet, un vieux, et sur le plateau, pour chanter, etc., c'était Johnny Hallyday, ça n'a plus rien à voir. Tout, écoute, il y a des musiciens, etc., qui le disent, mais en coulisses, il était usé. Dès qu'il franchissait le cap d'être sur scène, c'était plus du tout la même chose, quoi. C'est vrai que sa vie, c'était sur scène. Et c'était la chose qu'il fallait comprendre, quoi, quand on était, quand on voulait vivre avec Johnny Hallyday. Sylvie, elle l'a compris, et quand, elle a eu envie de stabilité, d'une vie familiale, d'une vie affective équilibrée, ou bourgeoise en tout cas, elle s'est barrée. Elle a quitté Johnny. Laetitia l'a très bien compris aussi. Quand elle décide à un moment donné, Laetitia, de se montrer dans le public tout le temps, de le suivre en tournée, de venir au spectacle, etc., et de faire copain avec certains de ses fans, c'est qu'elle avait compris ça aussi. Que Johnny, c'était... Ouais. Personnage public, voilà. Ouais. Elle avait épousé ce mec-là, donc si elle voulait le garder jusqu'au bout, il fallait jouer le jeu. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu mettre sur le livre et que tu t'es défendu de mettre, de diffuser? Disons que j'ai écrit une biographie hommage à Sylvie Vartan, donc je me voyais mal être incisif ou subversif ou cynique. C'est difficile pour une chanteuse de vieillir. Beaucoup plus que pour un chanteur. C'est beaucoup plus difficile, de toute façon, pour une femme de vieillir que pour un homme, parce que dans la société, le physique et l'apparence ont beaucoup d'importance, et qu'on accepte plus facilement qu'un homme vieillisse. On trouve qu'il a de la maturité tout à coup, ou un charme, machin. Une femme, quand elle vieillit, elle devient... tout à coup, c'est des termes péjoratifs, quoi. Donc, c'est difficile quand on a toujours été exposé, quand on a, en plus, quand on a été, on a mené une carrière où le physique avait beaucoup d'importance. Dieu sait si Sylvie a été belle et si on a beaucoup parlé de sa plastique, de sa beauté physique, de ses jambes, hein, qu'elle montrait en plus dans les spectacles avec ses fameuses robes déchirées, tout ça. Donc, c'est compliqué de choisir le bon moment pour s'arrêter et surtout, on n'en a pas envie. Surtout, on n'en a pas envie. Parce qu'il y a longtemps qu'elle aurait pu arrêter, c'est pas pour l'argent. On sait très bien qu'elle est à l'abri du besoin et qu'elle elle pouvait s'arrêter depuis très longtemps. Johnny, non. Johnny, elle non, lui, c'était pas le cas. Hein. Il était obligé de continuer. C'est ça, parce qu'il dépensait beaucoup. Elle, ouais. Elle était plus cigale que plus fourmi que cigale, Sylvie. Donc, je cherche pas à câbler qui que ce soit, surtout pas elle. Mais c'est tellement difficile et tellement... là, je crois que c'est l'âge. C'est dit 80 ans, oula. 80 ans, c'est déjà... il faut se les prendre. Donc, elle s'est dit, voilà, il faut arrêter, quoi. Arrêter, je peux pas continuer jusqu'à 100 ans. Et puis, tu es tout en bienveillance, parce que Sylvie Vartan, toi, tu l'aimes, Sylvie Vartan. Elle était la femme de Johnny Hallyday. Pour moi, elle le restera. Elle a toujours été, pour moi, la femme de Johnny Hallyday, parce que c'est ce Johnny Hallyday-là que j'ai aimé. Aujourd'hui, je peux dire, et que je préfère. Quand je réécoute Johnny, le plus souvent, c'est ces années-là que j'écoute. Nostalgie, on va dire. C'est la nostalgie qui fait parler aussi. C'est tout ça. Oui, mais je pense aussi que c'est une question de qualité musicale. C'est moi, les plus belles années de Johnny, entre 66 et 74. C'est l'époque Mickey Jones, Tommy Brown. C'est tout ça. C'est à la fois la soul et tout ça des années 67-68, c'est l'album 69, Rivière ouvre ton lit, et c'est aussi Rock à Memphis, La Terre promise, tous ces albums magnifiques, et allez, je vais dire jusqu'en 76, parce que l'album Derrière l'amour aussi, qui est variété, mais il est tellement emblématique aussi que pour moi, c'est les meilleures années. Mais d'accord. Il était jeune, il était beau. C'est important, la jeunesse, quand on fait du rock, quand on fait de la musique. Voilà, encore une fois, après, vieillir, c'est jamais simple pour personne. Il y a des artifices hein, dans un concert. C'est les lumières, c'est le décor, c'est tout ça. On crée une ambiance pour voir un grand show, alors que Johnny, on sait très bien, dans les années, voilà, comme tu dis, dans les années 90, ben, il bougeait beaucoup moins qu'il bougeait dans les années 60, 70 ou 80 encore. C'est ça. Puis, comme tu dis, les lumières, le décor. Des trompe-l'œil. C'est des cache-misères. Ouais. C'est destiné à alimenter ce qui manque, ce qui a plu. Et Johnny, à la fin, c'est vrai que déjà, avec ses problèmes de hanche et tout ça, en vieillissant, il avait du mal quand même à se mouvoir. Il fallait y miser vraiment, il foutait le paquet sur la sono, sur les musiciens. Il fallait que le son soit impeccable, que les lumières, les feux d'artifice et les machins. Bah, c'était tout un barnum, quoi. Il fallait qu'au bout d'un moment, qu'on ne se focalise plus sur le chanteur, mais sur le guitariste, sur la lumière, sur l'effet spécial qu'il y a. C'était sur les flammes et tout ça. Il fallait qu'on en prenne plein les yeux, plein les oreilles. Et là aussi, on va en prendre plein les yeux, plein les oreilles, avec Johnny Hallyday à Bercy en 1987 et ce titre de Michel Berger, Aimé vivre. Vous écoutez toujours Johnny de A à Z avec Frédéric Quilonero, mes invités spéciaux, et Rook Le Barge pour leurs livres respectifs, Les Chemins de sa vie, Sylvie Vartan, et Johnny Hallyday, discographie française pour Rook Le Barge. Quand tu parles de ta vie, c'est écrit dans tes rêves, dans tes moindres envies. fois à devoir la gagner. Il y en a qui naissent rois, d'autres du mauvais côté. Toi tu viens d'un pays que t'as presque oublié, de sable et de soleil et d'éternel été. Ceux qui ont de la chance, ils passent leurs vacances. Et ceux qui y sont nés ne peuvent y travailler. Après toutes ces années, juste pour exister, oui, j'ai juste envie de dire à tes yeux fatigués, je voudrais que ton fils vive mieux que toi, qu'on le respecte mieux, qu'on le vouvoie comme un homme, un monsieur qui ne baisse pas les yeux, pareil à tous ces gens qui parlent sans accent. Oh, je voudrais que ton fils vive mieux que toi, qu'il ait toutes ses chances, tous ses droits, qu'il ait une signature, des mains blanches, une voiture et des papiers d'identité à perpétuité. T'as payé en sueur le prix qu'il faut payer. Tu voulais qu'il ait tout sans jamais rien compter, pour qu'il ait toutes ses chances comme les enfants de France, pour un dernier désir, pour une ultime envie, la seule raison de croire un sens à ta vie. Je voudrais que ton fils vive mieux que toi, qu'on le respecte mieux, qu'on le vouvoie comme un homme, un monsieur qui ne baisse pas les yeux, pareil à tous ces gens qui parlent sans accent. Je voudrais que ton fils vive mieux que toi, qu'il ait toutes ses chances, tous ses droits, qu'il ait une signature, des mains blanches, une voiture et des papiers d'identité à perpétuité. Il est bien le livre de David, parce que je ne l'ai pas lu hein, non plus. Hein. David Hallyday. Oui, oui, c'est un livre... Non, alors, je l'ai pas lu encore. Alors, c'est tout le contraire d'un livre où ça va faire le buzz. Quoi. David Hallyday, c'est quelqu'un qui a la dignité des Slaves. Hein. Donc, il ne rentre pas dans des trucs à scandale, un peu foireux. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est quand il parle de son père et quand il parle de sa mère. Après, malheureusement, la carrière de David Hallyday, à part quelques tubes comme ça, quand il parle de sa carrière, quand on sort de ce qu'il a fait pour son père quand on sort de sa mère, des histoires avec sa mère, etc., ça devient malheureusement moins intéressant. Mais c'est le problème des enfants, des fils d'eux, quoi. Ouais. C'est compliqué. Le livre est bien, il est plein d'amour pour ses parents. Et pour son père en particulier. Je pense que pour la mémoire de Johnny Hallyday, ça fait du bien quand même qu'il y ait quelques livres comme ça qui arrêtent de le démolir ou de l'assassiner. David, il parle de musique, hein, du travail qu'il a pu faire avec son père et de son père aussi comme chanteur, musicien et musicien de son père, de tout ce qui l'a intéressé quand il était gamin et de sa mère aussi, du coup. Donc, non, c'est quelqu'un de bien, je crois. Oh, après j'ai des contacts avec quelques-uns qui parlent de David aussi, qui est vraiment adorable, et puis c'est quelqu'un de très humble aussi également et accessible. Ouais. C'est un gentil. Ouais. Les gens qui ont connu que ça dans leur vie, c'est-à-dire qui ont grandi dans la musique, dans la chanson, avec des parents célèbres, et qui ne sont malheureusement pas des gens partis de rien, qui sont arrivés quelque part, des parvenus, entre guillemets. Beaucoup de parvenus sont insupportables. Quelqu'un qui a toujours grandi comme ça, dans un milieu qui lui paraît naturel, j'ai l'expérience aussi de Thomas Dutronc, qui avait accepté de faire la préface de mon livre sur son père. C'est des gens qui sont simples. On leur envoie un mail ou un texto, ils répondent. Johnny, avec moi, il a jamais eu le comportement qu'a pu avoir François Hardy ou Thomas ou d'autres. Et je peux m'estimer heureux qu'il ait pu suffisamment s'intéresser à ce que je faisais pour pouvoir dire un jour à une productrice de TF1 que si c'était moi, tout allait bien par rapport à un documentaire qui avait été tourné. J'avais tourné d'abord un sujet sur les vieilles canailles. J'étais allé tourner ça à Paris, dans le 9e, dans un studio, et il m'avait gardé 3 heures. 3 heures de rush où j'allais récapituler quasiment toute la carrière de Johnny, et ils en avaient utilisé même pas un quart, quoi. Et donc, ils ont fait Johnny Hallyday l'Invincible. La productrice m'appelle, me dit, voilà, Frédéric, on va pas vous faire revenir à Paris, on a 3 heures de rush, est-ce qu'on peut les utiliser? J'ai dit, moi je vois pas d'inconvénient. À partir du moment où Johnny est d'accord, puisque maintenant c'est un sujet qui le concerne tout seul, elle m'a dit, mais c'est la première personne qu'on a contactée, qui avait vu donc le sujet sur les vieilles canailles. Et c'est là qu'il a dit à cette productrice de TF1, si c'est Quino Nero, il n'y a aucun problème. C'est un gars juste et bienveillant tout le temps. Chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est juste et bienveillant. C'était les deux mots qu'il avait dit. Alors, il n'a pas lu ce que j'ai écrit, hein, évidemment, parce qu'il n'a il a jamais lu les livres qui lui étaient consacrés, je pense, il y en a tellement. Mais les documentaires, les sujets visuels, il les regardait. Et le soir de sa mort, TF1 a justement choisi de rediffuser ce documentaire-là. Pendant que Drucker lui rendait hommage sur la 2. Mais beaucoup de gens regardaient TF1. C'est pour moi, en tout cas, non pas parce que j'y suis, mais c'est un des meilleurs documentaires qui a été fait sur lui. Ça dure 1h30, en plus, même 1h50. Ils avaient fait appel aux bonnes personnes. Hein. Même Amanda Sterz, elle est à sa place. Hein. Elle parle de ce qu'elle sait, de ce qu'elle connaît. Et puis, il y a Jean-Marie Perrier, il y a tous les autres. Quoi. Moi, je suis le fil rouge, l'invité fil rouge qui retrace la carrière de Johnny que je connais bien. Voilà. Après, il n'y a plus eu ça. Quoi. Moi, j'ai été invité uniquement pour les obsèques et puis plus du tout parce que je disais non à tout pour aller parler. Une fois, j'ai eu Laurence Ferrari au téléphone. Je suis Laurence Ferrari. Je dis oui, alors elle me dit, vous voulez pas venir dans mon émission Punchline, machin. Et je dis, mais pour parler de quoi? On va parler de Johnny, mais de quoi? De musique? Elle me dit, on va parler de l'héritage, de machin. Et je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Je suis pas, je suis ni avocat, ni un de ses intimes. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? J'ai rien à dire. Après, mon avis, pour ou contre Laetitia, pour ou contre Sylvie Vartan, c'est pas mon propos, quoi. J'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans et j'ai ça pour ça, je pense, avoir bien fait. Mais quand il y a des sujets sur Johnny, ben, on fait appel à des petits jeunes. On est passé à un autre style de regard sur Johnny. Un duo à nouveau. Johnny et Sylvie Vartan, toi et moi. Je suis sûr que tu voudrais. Tu te prends-tu pour me parler sur ce ton? coucher. Attention, je n'ai pas dit oui. Je sais que tu m'attendais. Oh, reste avec moi, j'ai envie de provoquer ton amour et de vivre pour toi et moi. Oh, toi et moi. On parle très peu hein, sur la cérémonie, sur la mort de Johnny. Hein, ça... les funérailles de Johnny, la présence de Sylvie, tu en marques quelques lignes et c'est tout. Hein. C'est ça. Tu es très sobre là-dessus, tu n'as pas besoin d'épiloguer ou de parler un peu de, des deux clans. Pour deux raisons. D'abord, point par éthique personnelle et ensuite par respect pour Sylvie, qui n'a jamais voulu en rajouter et puis qui trouvait aussi cette cérémonie. Et David en a touché deux mots il y a pas longtemps aussi, déplacé, voilà. L'important pour moi, c'était de développer un petit peu plus ce qu'a fait Sylvie ensuite sur scène pour lui rendre compte. Comme tu me disais, des fois, il y en a qui trouvaient ça indigeste de décrire autant les tenues qu'elle portait. Oui, oui, les spectacles, les chansons. En fait, les spectacles sont racontés comme si on les revivait tous. Il y a une journaliste à qui on a envoyé le livre, par exemple, qui a contacté mon attaché de presse pour lui dire « Ah ben, moi je pensais que l'auteur avait choisi quelques lieux de la vie de Sylvie emblématiques et avait s'était contenté de ça. Je pensais pas qu'il aurait tout détaillé de façon du début jusqu'à la fin, qu'il aurait autant d'éléments, autant de détails, autant de tout ça, quoi. » Et donc, elle, je pense qu'elle a dû trouver ça, elle a pas dit indigeste, mais ça voulait dire ça. Ça, je peux comprendre, hein. Mais moi, j'ai écrit un bouquin pour les fans, hein. C'était les adieux de Sylvie, donc il fallait faire le bouquin où il y ait tout. Où les fans apprennent des choses. Quand je mets des extraits comme ça sur les réseaux sociaux, c'est pour bien montrer quand même que il y a pas que du factuel. C'est écrit. Il y a un auteur derrière quand même. Donc, oui, probablement c'est indigeste pour les détails. Et toi aussi, Rook, c'est écrit. C'est écrit. Oui. Il y a pas beaucoup de textes, mais c'est pas un livre à lire. Non, il y a beaucoup de là. Toi, par contre, il y a beaucoup d'images. À défaut de Frédéric, il y a beaucoup d'images. Voilà. Même dans les latros, c'est indigeste. Oui, je pense. Oui. Il y a un peu trop de disques, même s'il en manque. Moi, il y en a pas. Il en manque quelques-uns, mais je rajoute. Hein. Là, j'arrive à 566 pages. Quoi. J'ai rajouté 11 pages pour l'instant. Un des intérêts du bouquin aussi pour les vendeurs de disques, les professionnels. On va tous les citer, il y en a quelques-uns. Hein, quand on va sur les conventions de disques, ils ne vendent que du Johnny. Mon bouquin va relancer la vente des éditions ordinaires pour les variantes. La plupart des collectionneurs, les 45 tours ordinaires de Johnny, ils les ont déjà. Mais avec le livre, ah bah, tiens, une variante, ah bah oui, je n'avais pas fait attention à ça, pof, ah bah, je vais rechercher. Voilà. Ça va relancer la vente des disques ordinaires, entre guillemets, quoi. Pour Frédéric, est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais... Voilà, une question qu'on aimerait qu'on te pose sur ce livre, par exemple, et qu'on ne t'a jamais posée. Le seul regret, moi, que j'aurais toujours, hein, je l'ai avec Sylvie, comme je l'ai avec d'autres, c'est de ne pas l'avoir fait avec elle. Aussi, on parlait de reconnaissance en même temps et de voir un peu le travail que l'on fait sur ces personnes-là, sur ces idoles en quelque sorte, parce que leur montrer qu'ils ont bercé notre enfance, qu'ils ont fait partie de notre vie intégrante, et on a envie de leur montrer ça également. Oui, et puis qu'ils arrivent à peut-être à concevoir les choses différemment et à imaginer aussi que peut-être quelquefois on fait les choses par passion et pas seulement pour gagner de l'argent. Le ciel de la Californie, je m'ennuie. Un peu trop de Paris. J'attendais seulement qu'il m'ait dit Sylvie, reviens. J'ai envie de changer de décor. Pas de valise, surtout pas de remords. J'appelle un taxi, je pars pour l'aéroport. J'ai fait tatouer sur ma peau, dans le creux de mon dos, un petit rainbow. Les Texans sont très beaux, ils ne vivent que pour leur rodéo. J'aimerais toujours celui qui m'a dit s'il vira. Reviens. Dans deux jours, je vais te retrouver. J'espère que je n'ai pas trop changé. Petit Rainbow, Sylvie Vartan, au Palais des Congrès en 1977. Un grand merci à vous deux pour vos deux livres respectifs, Frédéric et Rook. Frédéric Lulero, Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie, aux éditions Mareuil, la biographie hommage, on le précise ça, hein. Et puis aussi, nous avons Rook avec, comment on va dire le titre, on dit exactement, la discographie française de Johnny Hallyday ou Johnny Hallyday discographie française? Ah, Johnny Hallyday discographie française et originaux. Voilà. Et variante aux éditions Rook le Barge. Donc, je vous remercie, messieurs, tous les deux, d'avoir participé à cette émission, d'avoir présenté vos livres, qu'on ait pu parler, qu'on ait pu échanger sur Sylvie et sur Johnny. Surtout, Rook, parler sur Sylvie, c'est un peu difficile, mais il s'est prêté au jeu, magnifique. Il a bien profité. Et puis voilà, un petit dernier mot. Merci, Eric. Mais avec plaisir. Et à bientôt. Mais à très vite, oui, bien sûr. Quand tu veux, on parle d'autre chose. Ben voilà, on va trouver une occasion. Hein. Il y aura une occasion, prochainement, sans souci. On ne dira jamais. Non. Ouais. Il y aura toujours un truc. Et puis, on va voir ça. On va trouver une occasion, on va trouver un thème à pouvoir évoquer également. Merci aussi à toutes et à tous d'avoir écouté et suivi cette émission pendant plus de 2h30. Et puis je vous donne rendez-vous dans 15 jours, bien entendu, pour suivre la dernière émission de la saison 2023-2024. Bonne nuit à toutes et à tous. Ciao, ciao.